Chapitre 5. Son oncle ne devant pas rentrer avant la nuit, Jean se dit qu'il pouvait aller chasser un moment. Décrochant un fusil, il partit à travers les cours, ayant des attendrissements devant un arbre qu'il avait vu planté devant un coin de haie, d'où partait une source. Les chardonnerets piaillaient dans les pommiers. Jean en fit un massacre, les tirant à bout portant avec du plomb à tuer les lièvres. « Ah, monsieur Jean, dit un valet de ferme, vous allez mettre du grain dans les branches, ça leur donne la maladie aux arbres. » Mais Jean, s'inquiétant peu de sa recommandation, continuait à tirer sur les oiseaux. Et cette aventure lui avait fait oublier sa mésaventure de la journée. Le soir venait. Jean rentra à la maison, apportant le produit de sa chasse, dont il recommanda à la servante de faire un plat pour le dîner. « Eh bien, cria-t-il à l'oncle qui rentrait. L'oncle hochait la tête. « Ça ne va pas, l'héritier. Ton père est furieux, ta mère pleure. » Et il raconta ce qui s'était passé. Le maire avait jeté le portrait par la fenêtre, un gamin l'ayant ramassé et remis à ses parents, tout Saint-Pierre-sur-Dive en faisait des gorges chaudes. C'était un effondrement. « Je l'ai vu, le portrait, tes parents aussi. Ce n'est pas ressemblant, au fond, dit l'oncle avec douceur. » Le père Régalard voulait conserver quelque espoir sur les aptitudes de Jean. Il n'en était pas de même des Picots, qui voulaient faire réintégrer à l'artiste le toit paternel. « Tu sais que ton père doit venir demain te voir, à moins que tu préfères aller toi-même à Saint-Pierre-sur-Dive. Mais je ne t'y engage pas, tu serais remarqué dans les rues où on ne cause que de toi. »